quitte sale seul, mais regarde la première fois. Un lien nous a unis, une femme, un mec, que tout poussait croire à une histoire d'amour, ce film déception sentimentale. Pourquoi je suis possessif alors qu'il suffit d'être positif? La faute ne se justifie pas qu'à une partie. Quoi qu'il en soit, je me contenterai pas de te revoir dans une autre. Régler ses problèmes, ne cherche pas à ce que l'on sait faire, mais je vois que j'étais heureux. Dans le temps, regarde, jeter un clin d'œil de elle à moi. Elle m'a plu par sa beauté, une mentalité de mon âge. Aussi, qu'on se le dise, elle ne part pas sans l'autre. D'où je me suis trop vite précipité, mais j'ai cru qu'il était temps pour moi de te quitter. Une fois que tout a été fini, j'ai repris possession à la raison sur les personnes que j'affectionnais. Et cette petite histoire a repris vie, mais cette fois-ci par écrit. Mais où est ma voix? Quel homme est sincère? Ne pense pas avoir ailleurs. Mademoiselle ne se contente de qu'une seule tendresse. Tu finiras dans la détresse, car la voie que tu as choisie sans issue, un amour ou une tristesse qui peut te placer dans un sens ambigu. Je passe le temps à rêver de toi une tendresse, un choc émotionnel, avec une relation de complicité. J'ai oublié comment j'étais, ça m'a heurté. Un dégoût est venu s'installer instantanément dans le temps où il y avait un mal-être. Qui et quoi, c'est devenu monotone, et oui, avec le temps, tout s'en va. L'été était présent, pas loin après quelques mois, j'ai essayé de rattraper le temps suspendu, mais c'était cause perdue, où je plafonnais entre toi et moi, un pas que nous liait dans le cœur, et je n'arrive pas à l'oublier. Mais où est ma voix? Quel homme est sincère? Ne pense pas avoir ailleurs. Mademoiselle ne se contente de qu'une seule tendresse. Tu finiras dans la détresse, car la voie que tu as choisie sans issue, un amour ou tristesse qui peut te placer dans un sens ambigu. Elle peut choisir pendant une heure quel habit elle va se mettre, mais un coup de cœur ça ne se commande pas sur demande. Et ça s'invente pas, mademoiselle, je peux vous tirer les cartes de l'avenir. Si tu veux venir avec moi, on va se faire une projection. Je ne suis pas fier, mais si tu passes par là, je suis désolé de t'avoir donné des illusions sur mon éthique et ma conduite, et fermé mon cœur aussi vite que mon ombre. Mais où est ma voix? Quel homme est sincère? Ne pense pas avoir ailleurs. Mademoiselle ne se contente de qu'une seule tendresse. Tu finiras dans la détresse, car la voie que tu as choisie sans issue, un amour ou une tristesse qui peut te placer dans un sens ambigu.